comme tu es prête à tout vendre, qu'il ne reste plus rien, même sur ta peau. Comme tu es prête à aimer celui-là, un autre, tes bras restent ouverts. Après tout, est-ce vraiment chez toi? Vous pouvez tout prendre, tout dépouiller. Tu reviendras plus tard. We'll be right back.